les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Connaissez-vous Littré ? Une autre question pourrait être, possédez-vous le Littré ? À savoir le dictionnaire de la langue française. Le dictionnaire qui contient l'étymologie précise des mots qui donne les exemples de leur emploi. Le dictionnaire d'un homme des Lumières, un siècle plus tard. Élu à l'Assemblée nationale, puis sénateur inamovible, Monsieur Littré. Et l'Académie française, une première fois refusée, Monseigneur Dupanloup ayant réussi, disait l'un des témoins de l'époque, a démontré aux 40 ronds de cuir vert qu'Émile Littré ne croyait pas qu'une femme pût avoir un enfant d'un ange qu'elle n'avait aperçu qu'à travers les carreaux de sa fenêtre. Mais il y eut une deuxième tentative, réussie celle-là. Alors, Monseigneur Dupanloup, l'ennemi juré, donna sa démission de l'Académie française, laquelle Académie française la refusa. Cela est anecdotique, certes. Ce qui reste de Littré, c'est le Littré. Connaissez-vous Littré, esprit universel ? Première diffusion sur la chaîne nationale, le 24 avril 1963. Connaissez-vous Littré ? Une émission de Roger Pilaudin. Ce soir, Littré, esprit universel, par Jean Paget. Avec Jacqueline Moran, Daniel Vol et Pierre Bertin, Michel Bouquet, Raymond Jérôme, Philippe Laudenbach, Jean-Pierre Lituac, Pascal Mazotti. Chef opérateur du son, Francis Granal. Assistante, Nicole Vuillaume. Réalisation, Georges Gravier. Latin A, substantif masculin, voyait les premières lettres de l'alphabet. Une panse d'A, la première partie d'un petit A dans l'écriture. N'avoir pas fait une panse d'A, c'est-à-dire n'avoir rien écrit. A, latin ad et ab, préposition, marque, direction, tendance, aller à Rome. Aimer à lire. S'emploie devant le régime indirect des verbes actifs. Donner de l'argent à un pauvre. Sert à déterminer le lieu où est quelque chose, où s'exécute une action. Résider... Monsieur Littré, disait Sainte-Beuve, est vraiment à lui seul toute une bibliothèque et une encyclopédie. Littré. Maximilien Paul-Émile, publiciste et philosophe français, né à Paris le 1er février 1801. On cacha sa naissance à Monseigneur Dupanloup, qui ne devait naître qu'au mois de janvier de l'année suivante, dans la crainte que l'honorable prélat, pour ne pas être exposé à se rencontrer avec lui, refusa de venir au monde. Tout jeune, Monsieur Littré fit de brillantes études et embrassa la médecine. Il fut reçu interne des hôpitaux, mais ne tarda pas à se dégoûter du métier. Un matin, qu'ayant été chargé d'administrer un lavement à une vieille abonnée de l'Union, celle-ci avait refusé de le prendre avant midi, sous prétexte que c'était jour de jeûne. Ah, combien de pitié pour l'homme m'a donné le spectacle assidu de ces lits d'hôpital. Combien j'ai ressenti sa dure destinée, lui qui ne cherche point un combat inégal. Souvent j'ai réfléchi sur ce qui m'environne, sur ces êtres divers qui vivent comme nous, la terre et ses enfants, les cieux et leurs couronnes, et le sourd mouvement qui nous entraîne tous. Souvent j'ai réfléchi sur cet ensemble immense où je me vois jeté sans savoir le pourquoi. J'ai fatigué souvent ma vaine intelligence et toujours mes pensées sont retombées sur moi. Cet espace si pur, ni ce bleu sans limite, n'emprunte leur mystère à des voiles épais, mais en vain le regard plonge et s'y précipite, tout est limpide et tout se dérobe à jamais. Je prête aussi l'oreille à ces puissants rouages, portant au bout du ciel les innombrables corps. Tout est poids et levier, mais nul n'a sur nos plages jamais ouï gémir les éternels ressorts. On n'entend pas ces bruits ici sur notre terre, ni le souffle du vent qui pousse notre esquif, ni le fracas des flots qui fendent en sa carrière. Rien ne vient jusqu'à moi, passager, mais captif. Captif, oui, je le suis. On m'a borné l'espace. Je puis faire à mon gré le tour de sa prison, mais jamais nul mortel ne franchit, quoi qu'il fasse, l'impassable barrière et le fossé profond. Qui se plut à me voir captif en ces demeures? Ai-je été consulté quand je dus y venir? Je vins sans le vouloir pour durer quelques heures, sans le vouloir encore. Il me faudra partir, partir. En attendant, notre mère nature, lançant à la volée douleurs et fléaux, frappe les malchanceux et livre à la torture leur misérable chair et leurs moelles et leurs os. Et vite préparer les longues, longues salles avec deux rangs de lits chargés de rideaux blancs et leurs lampes de nuit sur les luisantes dalles, jetant de loin en loin quelques rayons tremblants. Oui. Il se mit à l'étude approfondie de toutes les langues, ce qui lui fut plus facile qu'à un autre, tous les malades qu'il avait soignés lui ayant déjà montré la leur. Il apprit entre autres le grec, le sanskrit et l'arabe, mais il n'abusa pas de ces dernières lorsqu'il dînait en ville et qu'il voulait redemander du potage. En même temps, il collaborait à plusieurs publications littéraires et traduisait Hippocrate à la barre de l'humanité pour homicide par imprudence. Ce dernier travail lui ouvrit des horizons nouveaux et les portes de l'Académie des inscriptions. Monsieur Littré ne tarda pas à se faire le défenseur de l'opinion démocratique. Il se battit pour la liberté en juillet 1830, pendant que Monseigneur Dupanloup faisait communier Madame la Dauphine, dont il était l'aumônier. Et il entra à la rédaction du National, pendant que le futur évêque d'Orléans ouvrait les conférences de Notre-Dame. Ces deux hommes faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas se rencontrer. Monseigneur Dupanloup, surtout, était enragé. On raconte qu'un jour, étant entré précipitamment dans un établissement du passage Jouffroy, et ayant aperçu à une patère du vestibule le chapeau de Monsieur Littré, il partit aussitôt et eut le courage de contenir sa colère à la porte, en faisant semblant d'examiner les estampes du magasin qui est à côté. Quand Monsieur Littré sortit, il y avait juste 2 secondes que Monseigneur Dupanloup venait de perdre patience. Et le lendemain, on lisait dans l'Univers en tête d'une souscription pour le denier de Saint-Pierre, les économies d'un anonyme qui exècre les libres penseurs, 15 centimes. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Napoléon, Monsieur Littré resta attaché au National. Mais le futur homme de Sedan, ne laissant plus aux écrivains que le choix d'être attaché à sa personne avec des saucisses ou au ponton avec des carcans, Monsieur Littré abandonna le journalisme. Dictateur, du latin dictator, substantif masculin. Magistrat souverain qu'on nommait à Rome en certaines circonstances critiques, son pouvoir était absolu et fixé à une durée légale de 6 mois. Familièrement, ton de dictateur, ton impérieux absolu. Nom donné à quelques chefs qui réunissent temporairement tous les pouvoirs en leurs mains. Précédemment, M. Littré avait été séduit par la nouvelle doctrine philosophique et sociale d'Auguste Comte et l'avait adoptée avec l'ardeur d'un homme qui se dit « Depuis que l'humanité vit sur un tas de rengaines auxquelles elle ne croit plus, mais qu'elle conserve uniquement parce qu'elle n'a rien à mettre à la place, il serait bien temps de s'occuper de tout autre chose. » Monsieur Littré se toqua de ce projet et consacra une partie de ses nuits à chercher à se rendre compte en quoi l'utilité d'un évêque à qui l'on donne 20 000 francs par an est plus grande que celle d'un instituteur que l'on ne paye que 1 100. Il y attrapa des migraines horribles et il ne trouva pas. Loin de se rebuter de cet échec, il creusa de nouveau sa philosophie positive et continua à se poser un tas de questions religieuses qui mettaient Monseigneur Dupanloup hors de lui. Monsieur Littré, sans aucun ménagement pour les saintes traditions, les empoignait toutes l'une après l'autre avec le sans-gêne d'un ouvrier peintre qui arrache du mur un vieux papier pour le remplacer par un neuf. D'après sa constitution, l'homme est omnivore. Dans son régime actuel, la viande, surtout chez les peuples situés loin de l'équateur, forme une part considérable. Mais il n'est aucunement sûr, surtout lorsqu'il est désarmé, qu'il ait pu ou su s'emparer des animaux et en user pour sa nourriture. Probablement, il a longtemps vécu comme font aujourd'hui les grands singes. C'est pour cela que je note ce qu'en rapportent les vieux documents bibliques et iraniens. Suivant la Genèse, comme il a déjà été dit, c'est aux aliments végétaux que l'homme est destiné d'abord. Mais plus tard, un changement s'opéra dans son alimentation, et après le déluge, permission lui est donnée de manger de la chair. D'après la religion zoroastrienne aussi, la première et naturelle condition des hommes fut de vivre aux dépens des végétaux, et ils ne pensèrent que fort tardivement à la nourriture animale. D'après la Vesta, c'est sous Ima qu'ils commencèrent à manger de la chair, que ce patriarche leur apprit à préparer en morceaux. Ces renseignements, quelque pauvres qu'ils soient, doivent être pris en considération toutes les fois qu'on essaie de se représenter la série du développement de l'homme préhistorique. Les métaphysiciens ont dit l'homme un animal religieux. Tout porte à croire que c'est là une idée subjective, et que l'homme est devenu religieux, mais qu'il ne l'a pas été dès l'origine. Nos documents théologiques offrent là-dessus quelques mots à noter. D'après la Genèse, ce ne fut qu'au temps d'Énoch, fils de Seth, que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel, c'est-à-dire à lui rendre les honneurs divins. Les documents phéniciens racontent que la première génération avait commencé à lever les mains vers le ciel. Chez les Phéniciens, comme chez les Iraniens, l'invention du feu et le commencement du culte divin paraissent mis en étroit rapport. Quand on lit, à côté l'une de l'autre, les cosmogonies bibliques, phéniciennes, babyloniennes, iraniennes, on y reconnaît un dessein de représenter, dans la succession de personnages génériques et non de personnages individuels, la succession des inventions et des développements qui avaient conduit l'espèce humaine au point où elle était lorsque ces cosmogonies furent écrites. La difficulté est de discerner sous ces documents ce qui fut naturellement et subjectivement suggéré par le spectacle même de la civilisation contemporaine, de ce qui est vraiment tradition et souvenir de temps préhistorique. J'incline à croire qu'il faut ranger parmi les traditions et souvenirs ces dires sur les commencements des cultes. Au miracle dont personne n'a jamais vu la queue, il opposait la science, qui est chez elle pour tout le monde et à toute heure. La vive croyance à une action surnaturelle qui s'attache au tombeau des saints, aux opérations du magnétisme, aux influences de tel ou tel personnage, est un agent psychique d'une force considérable. En recueillir les manifestations est digne de l'attention des médecins. C'est à eux qu'il appartient, car eux seuls en ont les moyens d'analyser les cas, de reconnaître les authentiques, d'écarter les faux, de réduire les exagérés, en un mot, de faire la critique particulièrement nécessaire en ces narrations. Cela forme une classe de phénomènes guérisseurs qui se distingue des phénomènes d'exaltation et de perturbation si communs sous les influences psychiques liées aux illusions du surnaturel. Mais, dira-t-on, en donnant ainsi crédit à quelques récits de guérison par une imagination superstitieuse, n'y a-t-il pas lieu de craindre de favoriser des tendances au merveilleux, toujours actives et toujours plus nuisibles que salutaires? N'avons-nous pas vu, hier encore, Paris ému par le zouave guérisseur et la foule à courir auprès de lui, comme ailleurs est la cour au tombeau des saints? Et n'y a-t-il pas, dans tout cela, assez d'exagération, de mensonges, de crédulité, pour le laisser dans le bas-fond ou la reléguer la science positive? À cela, il faut répondre que dans cette pathologie psychique, grâce aux éléments complexes qui sont en jeu, il se produit des faits singuliers que la médecine ne doit pas négliger. Seulement, il importe, et la tâche est délicate, de distinguer du vrai le faux que la crédulité est toujours prête à attester par son témoignage. En second lieu, le plus sûr moyen de combattre l'esprit superstitieux, c'est que l'esprit scientifique le suive dans ses plus obscurs recoins et montre, non à lui, car il n'a ni oreille pour entendre, ni œil pour voir, mais au monde, que rien de ce qu'il produit n'échappe au niveau de la naturalité ou ne résiste à la critique. La première réflexion qui se présente est relative à la manière dont l'esprit contemporain envisage, au XIIIe siècle et au XIXe, les faits dont il s'agit. Alors, non seulement les évêques qui les recueillaient, mais encore les docteurs des facultés, les maîtres du savoir, tous ceux qui donnaient l'éducation et tous ceux qui la recevaient, acceptaient sans l'ombre d'un doute la surnaturalité des guérisons et en rapportaient la cause à une vertu occulte et mystique qui résidait dans les ossements d'un saint personnage. Cet unanime assentiment des plus éclairés fortifiait notablement la croyance des moins éclairés. Aucun levain d'incrédulité n'en atténuait les effets. Ce que tous croyaient se vérifiait aux yeux de tous. La foi appelait le miracle, et le miracle venait à point confirmer la foi. Aujourd'hui, tout est changé. De même qu'au XIIIe siècle, la foi aux effets surnaturels ne souffrait aucun mélange d'incrédulité, de même au XIXe, l'incrédulité à ces mêmes effets ne souffre aucun mélange de foi. Non seulement les savants qui se livrent particulièrement à l'étude positive de la nature, mais encore tous ceux qui reçoivent de la science leurs opinions, rejettent l'antique interprétation des faits singuliers et, quand ces faits surviennent, un examen régulièrement conduit montre où qu'ils sont controuvés, où qu'ils sont naturels. Il y a deux merveilleux, le faux et le vrai. Le faux est de croire que des volontés en dehors de la nature viennent en troubler l'ordre quand il leur plaît. Le vrai est tantôt de dévoiler les mystères des choses, tantôt de mettre en la main de l'homme de puissants agents qui multiplient sa force. La théologie est le ministre du premier, la science est le ministre du second. À ceux qui voudraient que l'on n'enseignât rien aux hommes pour les faire plus facilement croire à tout, il opposait l'instruction qui leur défend de croire que l'on est pu rassasier 20 000 pauvres avec un pain de 2 livres et revendre encore 30 000 kilos de croûte après l'opération. Nos adversaires se plaignent amèrement que Voltaire ait parlé avec irrévérence des choses saintes, prodigué la raillerie, le sarcasme, l'injure contre les hommes et les choses théologiques, et tenter sans relâche de rendre vil et odieux ce qui est l'objet de respect et d'amour de la part des grandes communautés. Cela est vrai. Il est fâcheux qu'il y ait des époques où la controverse monte à ce diapason, comme il est fâcheux qu'il y ait des moments où les soldats de deux gouvernements ennemis se tuent à coups de fusil et de canon. Ainsi le veut la guerre, soit qu'elle se fasse sur des champs de bataille, soit qu'elle ait pour théâtre les croyances et les opinions. Dans leur temps, les chrétiens n'y ont pas manqué. Et ils se sont acquittés en conscience du soin de ridiculiser et de déshonorer tout cet Olympe en l'honneur de qui tant de temples magnifiques étaient ouverts, tant de pompeuses cérémonies charmaient les peuples et fumaient tant d'encens. Il faut voir de quel ton on traite les impudicités de Vénus, les jalousies de Junon, les escapades de Jupiter et les stupides ou immoraux adorateurs de tant de turpitude. Tel des apologistes ne craint pas, au grand scandale des admirateurs du grand art, de qualifier de vaines et ridicules poupées les chefs-d'œuvre de Phidias. Toute cette polémique était commandée par la situation agressive du christianisme à l'égard du paganisme. Si c'est là son excuse, et ce l'est, pourquoi la même excuse ne serait-elle pas valable pour Voltaire et ses auxiliaires? Croit-on que beaucoup d'âmes pieuses chez les païens ne furent pas contristées par ces insultes à leur divinité à qui elles avaient tout autant de dévotion que nos catholiques en ont pour les objets de leur culte? Tout est pareil. Et quand on fait aujourd'hui grand bruit du langage moqueur et injurieux des polémistes du XVIIIe siècle, on est en droit de dire aux plaignants, en se rappelant ce qu'ils ont fait jadis en même situation, « Patere legem quam ipse fecisti ». Appréciée maintenant par l'impartiale philosophie positive, cette double polémique a son tort et son droit. Le tort est que le christianisme et le XVIIIe siècle oubliaient l'un les immenses services rendus à la civilisation humaine par le polythéisme, l'autre les immenses services rendus par le christianisme. Le droit est qu'il fallait bien que le polythéisme disparût pour faire place à une meilleure religion, comme aussi plus tard la conception chrétienne du monde a dû faire place à la conception positive. L'histoire religieuse traite également toutes les religions. Il n'en est aucune qui ne soit le produit spontané des facultés de l'esprit humain et des circonstances de temps et de lieu, qui ne subissent l'influence du progrès de la culture et qui naît tôt ou tard à compter avec la critique et avec le savoir. Chaque religion se croit une exception, mais ses prétentions simultanées se neutralisent et la sociologie explique la naissance, le développement et la décadence des régimes théologiques comme de tous les autres régimes sociaux. Chaque fois que M. Littré se mettait à démolir une de ces légendes, il était reçu par Mgr Dupanloup comme un fâcheux qui entre avec une lampe allumée dans une chambre noire où l'on est en train de montrer la lanterne magique. Au reste, les gens d'église n'ont aucunement perdu l'habitude de fort mal parler de ceux qui les contrarient dogmatiquement. Il arrive maintes fois de nos jours que des personnes qui ont renoncé à toute croyance chrétienne veulent qu'on les porte directement au cimetière sans passer par l'église et par les cérémonies ecclésiastiques. C'est ce qu'on nomme les enterrements civils. Il semblerait que ces enterrements devraient être à l'abri des anathèmes cléricaux, car l'église n'a aucun droit sur ceux qui ne la reconnaissent pas. Son autorité toute spirituelle cesse là où l'esprit la nie. Les incrédules ne relèvent pas des croyants et la plus simple équité commanderait de les laisser accomplir leurs funérailles sans l'accompagnement d'injures prononcées par des prêtres absolument incompétents à leur endroit. Eh bien non. Les enterrements ne sont plus que des enfouissements quand il s'agit de ceux qui refusent les cérémonies de l'Église et le reste à l'avenant. Il est encore un autre côté par où l'on tracasse les morts si, vivants, ils ont professé la libre pensée. C'est le cimetière. Le curé, à qui il n'appartient pas, s'en empare. Il déclare le libre penseur indigne d'être enterré auprès des autres habitants de la commune. Et s'il est soutenu par le maire, il obtient qu'on relègue le défunt dans un coin écarté dont il voudrait faire une sorte de voirie. Ce sont des méfaits contre la tolérance, petits au prix de ce qu'ils étaient jadis, mais grands comme indice du vieux levain qui fermente toujours, et dont une marque vraiment atroce est consignée dans un règlement des études de la Société de Jésus. Il est enjoint aux élèves externes de ne pas assister au supplice des criminels, à moins qu'ils ne soient des hérétiques. Ces tristes exemples ne sont pas perdus. Ils enseignent mieux que les préceptes à ne pas ressembler à qui les donne. Monsieur Littré accueillit avec joie la révolution de 1848 qui lui semblait préparer le triomphe de ses idées, mais il ne tarda pas à s'apercevoir qu'il y avait encore trop de sucre dans cette république-là. Et il sortira de la politique en octobre 1848. Il n'avait voulu accepter qu'une fonction non salariée, celle de conseiller municipal, et avait même précédemment refusé la croix de la Légion d'honneur. On prétend que cette croix fut mise de côté pour servir plus tard à décorer Adrien Marx, un jour qu'il ferait un article à sensation sur les « Suivez-moi, jeune homme » de l'impératrice. Mais les événements ne le permirent pas. Rentré dans la vie privée, M. Littré se remit avec ardeur à ses travaux littéraires. En mettant en regard Aristophane et Rabelais, ces deux grands railleurs de leur époque, j'entends faire non pas une comparaison littéraire, mais une comparaison historique. C'est-à-dire que je veux étudier comment leur raillerie, appliquée premièrement aux choses contemporaines, se comporte secondairement à l'égard du passé et de l'avenir. Suivant que l'époque sera une époque de passé ou d'avenir, le railleur se rejettera vers ce qui est en arrière, comme le type vers lequel il faut retourner, ou aspirera à ce qui est en avant avec une espérance vague mais confiante. Aristophane et Rabelais, leur renom me dispense de faire ressortir leur importance, sont excellents pour représenter une pareille situation. Un destin tout différent attend la société où l'un et l'autre sont placés. Celle d'Aristophane, toute brillante qu'elle est encore, est incurablement malade. Une décadence très prochaine va s'en emparer. Décadence non pas momentanée et transitoire, mais définitive et mortelle. Si bien qu'au bout de quelques siècles, il n'en restera plus que d'immortels souvenirs. Celle de Rabelais, au contraire, toute troublée qu'elle paraisse, est pleine de vie et de force. Aucune décadence ne la frappera. Loin de là, elle se saisira par la science positive d'un engin puissant qui, la plaçant au nœud même des révolutions religieuses et politiques, lui inspirera la vaste et féconde vue d'une humanité puissante régissant sagement le globe terrestre. Tout cela est inconscient chez Aristophane et Rabelais, mais tout cela se marquera dans ces bouffonneries qui, à leur temps, furent un événement social aussi bien qu'un événement littéraire. Rabelais aurait pu être un Aristophane, c'est-à-dire flageller son époque en rehaussant le passé. Cela était facile, car le XVIe siècle offre toutes les prises qu'on voudra à la plus véhémente critique, mais la grandeur de son esprit l'en préserva. Aristophane n'aurait pu être un Rabelais, car toute vue d'avenir, si elle avait été réelle, aurait été une vue de désespoir, et nul ne pouvait imaginer combien d'années et de détours seraient nécessaires pour que la société d'antique devenant Moyen-Âge se rassît et continuât son développement. Il ne faut pas se laisser tromper par ce mot de comédie qui désigne les pièces d'Aristophane. Cette comédie antique n'est point la nôtre. On n'y trouve ni action, ni nœud, ni intrigue. C'est une suite de scènes vives et pétillantes, sans autre liaison que la critique, à chaque occurrence, des choses et des hommes politiques d'Athènes. De la sorte, elle se trouve très comparable avec l'œuvre de Rabelais, qui groupe autour de quelques personnages permanents, non point pour le théâtre, il est vrai, des récits pleins de malice pénétrante et de vérité hardie. Tous deux ont le don et le goût de la fantaisie. Aristophane met en scène les dieux, les guêpes, les oiseaux, les nuées. Rabelais se joue avec ses géants, ses diables de Papéfilière, ses papymanes et sa dive bouteille. Aristophane, en sa qualité de conservateur, ne paraît pas craindre la ciguë, mais il ne manque pas de courage et il met sur le théâtre le puissant démagogue Cléon. Rabelais, novateur, craint les fagots. Il s'avance jusqu'au feu exclusivement, comme il le dit. Et surtout, il se couvre tant qu'il peut derrière cette belle idéalisation de la royauté d'alors, Grand Douzier, Gargantois et Pantagruel. D'ailleurs, il compte sur ses bouffonneries pour se faire pardonner ses témérités. Il commence à la publication de son grand dictionnaire de la langue française. Œuvre savante et laborieuse, le seul peut-être de ces engins dans lequel on ne trouve pas ce genre idiot de renseignement, nocturne. Somnambule, voire somnambule. Somnambule, voire noctambule. Le dictionnaire de Littré contient les étymologies précises des mots, les exemples de leur emploi, etc., etc. Camichi. origine inconnue. Substantif masculin, en histoire naturelle, grand oiseau noir de l'ordre des échassiers. Sauterelle, substantif féminin, insecte ailé du genre locuste qui s'avance en sautant. Abusivement, le criquet. Albigeois, substantif masculin, nom donné à des hérétiques du Midi de la France au XIe, XIIe et XIIIe siècle. Satyre, du latin satyrus, de saturos, substantif masculin, dans la religion des Grecs et des Romains, demi-dieu qui habitait les bois et qui avait des jambes et des pieds de bouc. Au figuré et familièrement, homme cynique, débauché. Grand singe anthropomorphe, genre de lépidoptère diurne. Zeste, interjection, familière et ironique dont on se sert pour repousser ce que dit une personne. Il se vante de cela, zeste. On trouve aussi zeste. Il indique aussi la promptitude. Zeste, me voilà revenu. Familièrement, être entre le ziste et le zeste, être fort incertain sur le parti qu'on doit prendre. Il se dit aussi d'une chose qui n'est ni bonne ni mauvaise, cela est entre le ziste et le zeste. Appi, du latin appianum malum, substantif masculin, petite pomme d'un vert tendre, colorée d'un côté d'un rouge très vif, des pommes d'api. J'ai beaucoup d'api dans mon jardin. Salope, origine inconnue, adjectif. Populairement, qui est sale et malpropre, une enfant salope. Substantif au féminin, c'est une vraie salope. Populairement et par injure, une femme de mauvaise vie. Terme de marine, Marie salope. Voyez Marie salope à son rang. Vicarier, faire les fonctions de vicaire dans une paroisse, au figuré et familièrement, être réduit à une place subalterne. Je suis là de vicarier. Vautré, roulé dans la boue. Il l'a gourmé et l'a vautré dans la boue. Richelet. Se vautrer, verbe réfléchi, s'enfoncer, se rouler dans la boue. Le sanglier se vautre. Par extension, se vautrer sur un lit, sur l'herbe. Au figuré, se vautrer dans le vice, dans la débauche, dans les voluptés, s'y abandonner entièrement. Pompon, substantif masculin. Toute espèce d'ornement de peu de valeur que les femmes ajoutent à leur ajustement. Avoir le pompon, être au premier rang. Ornement de laine que les soldats portent à leur coiffure. Rose, pompon, très petite rose. Les mots qui suivent appartiennent à une étude que Littré avait intitulée d'abord « Pathologie verbale ou lésion de certains mots par l'usage ». Littré a choisi dans son dictionnaire les mots qui lui ont semblé particulièrement curieux par les changements qu'ils avaient subis dans la suite des temps. Changement de forme, mais surtout changement de sens. Assassin. Ce mot ne contient rien en soi qui indique mort ou meurtre. C'est un dérivé de haschich, cette célèbre plante enivrante. Le vieux de la montagne, dans le XIIIe siècle, enivrait avec cette plante certains de ses affidés, et leur promettant que s'ils mouraient pour son service, ils obtiendraient les félicités dont ils venaient de prendre un avant-goût, il leur désignait ceux qu'ils voulaient frapper. On voit comment le haschich est devenu signe linguistique du meurtre et du sang. Coquet, coquette. Un coquet, dans l'ancienne langue, est un jeune coq. On ne peut qu'applaudir à l'imagination ingénieuse et riante qui a transporté l'air et l'apparence de ce gentil animal dans l'espèce humaine et y a trouvé une heureuse expression pour l'envie de plaire, pour le désir d'attirer en plaisant. On ne sait pas au juste quand la nouvelle acception a été attachée à coquet. Je n'en connais pas d'exemple avant le XVe siècle. Galta. Quelle déchéance! À l'origine, Galta est le nom d'une tour de Constantinople. Puis ce mot vient à signifier un appartement dans la maison des Templiers, à la cour des comtes, et une partie importante d'un grand château. La chute n'est pas encore complète, mais au XVe siècle, le sens s'amoindrit. Et au XVIe, le Galta est devenu ce que nous le voyons. C'était bien la peine de venir des bords du Bosphore pour se dégrader si misérablement. N'est-ce pas ainsi que l'on voit des familles descendre peu à peu des hauts rangs et se perdre dans la misère et l'oubli de soi-même? Le greffe et la greffe. Parmi les personnes étrangères aux études étymologiques, nul ne pensera que le greffe d'un tribunal et la greffe des jardiniers soient un seul et même mot. Rien pourtant n'est plus assuré. Les deux proviennent du latin graphium, poinçon à écrire. On sait que les anciens écrivaient avec un poinçon sur des tablettes enduites de cire. De poinçon à écrire, on tire le sens du lieu où l'on écrit, où l'on conserve ce qui est écrit. Voilà pour greffe du tribunal. Mais c'est aussi d'un poinçon que l'on se sert pour pratiquer certaines hantes. De là, on tire l'action de placer une hante et le nom de l'hante elle-même. Voilà pour la greffe des jardiniers. Heureusement, l'usage a mis par le genre une différence entre les deux emplois. Marionnette. Ce mot est un assez joli mot, et sa descendance est assez jolie aussi. L'ancienne langue avait mariole, diminutif de Marie et désignant de petites figures de la Sainte Vierge. Le diminutif mariolette se corrompit en marionnette, et par un procédé qui n'est pas rare, l'usage transporta le nom de ces effigies sacrées à une espèce de figure, mais celle-là profane. En même temps, le sens ancien s'oblitéra complètement, car autrement, comment aurait-on commis l'impiété d'appliquer le nom des figures de la Sainte Vierge à des figures de spectacle et d'amusement? La dégradation du sens est ici compliquée d'une offense aux bienséances catholiques. En 1863, la réputation de M. Littré était immense. Il ne lui manquait plus qu'une chose pour la compléter. Cette chose lui arriva. Il fut refusé à l'Académie. Monseigneur Dupanloup avait réussi à démontrer aux 40 ronds de cuir vert qui composaient cet établissement qu'ils devaient repousser de leur sein un impie qui ne croyait pas qu'une femme eût pu avoir un enfant d'un ange qu'elle n'avait aperçu qu'au travers des carreaux de sa fenêtre. La génération est le procédé par lequel la vie, une fois commencée sur la terre, s'y continue. Elle consiste essentiellement en une partie qui se détache du parent et qui est disposé de manière à mener une existence indépendante. C'est à propos de la génération que revient la considération de la propriété chimique et de la propriété vitale de la matière, comparables en ce que toutes deux ont apparu dans le cours de l'évolution de la Terre, mais différentes en ce que l'une se manifeste et l'autre ne se manifeste plus comme à l'origine. Mais puisqu'un des faits fondamentaux de la vie est la génération, il a bien fallu que la première production, faite d'une façon que nous ignorons, se soit poursuivie par la voie prédéterminée, que la voie d'origine ait été désormais hors d'emploi et que l'hétérogénie ou soit impossible ou soit difficile. Monsieur Littré continua ses travaux et en 1872, l'Académie, malgré une nouvelle tentative de débinage faite par Mgr Dupanloup, ouvrit ses portes à l'illustre philosophe. Heureusement, cette fois, l'accident ne pouvait plus avoir de conséquences pour M. Littré. Sa réputation était faite. Mgr Dupanloup donna sa démission pour ne pas se rencontrer avec son ennemi, mais l'Académie la refusa. L'affaire est pendante. Cependant, on croit que ce n'est pas ça qui empêche le commerce de reprendre. En février 1871, M. Littré a été élu député à Paris par 88 000 voix, ce qui prouve qu'il y a encore quelques personnes qui, si elles croient au passage de la mer Rouge à pied sec, tiennent à ne pas trop le laisser voir. La démocratie française, qu'est-elle ? La démocratie française est une aristocratie ouverte. Et d'abord, il me faut prêter l'oreille aux exclamations irritées que suscite la fusion de la démocratie et de l'aristocratie. Et quoi, ne sont-ce pas deux ennemis mortels ? Et là où l'une prévaut, l'autre ne meurt-elle pas ? Le vrai démocrate socialiste n'admet point le compromis avec cette représentante plus ou moins déguisée des anciennes oppressions. Mais épris d'un système, il s'aveugle sur les réalités sociales. La nature n'a point fait les hommes égaux entre eux. Il s'en faut de beaucoup. Et la société, fidèle interprète de la nature en ceci, à part des hiérarchies constantes, reproduit des inégalités essentielles dont l'action n'a jamais pu être abolie. Les exclamations et les colères des démocrates socialistes ont beau faire. L'évolution sociale n'en tient compte. Elle poursuit sa carrière, comme le veut la loi du phénomène, non comme le veulent les systèmes et les utopies. Quel plus grand exemple, exemple qui est sous nos yeux, de l'action régulière et inéluctable de ces forces spontanées que la naissance et la croissance des États-Unis. Et qu'on ne m'objecte pas le cas des Mormons. Quelque réglé que soit par des lois immuables la constitution du corps animal, il s'y produit de temps en temps des monstruosités. Mais des monstruosités, on le sait, ne durent ni ne se propagent. Tel a été le cas des Mormons. Ils ont été une monstruosité qui n'a eu ni durée ni propagation. Il en sera de même de ce qui se fera, au point de vue des socialistes, en contrariété des conditions qui ont présidé à l'évolution graduelle des sociétés humaines. Tout cela est frappé d'une incurable stérilité. La sociologie le démontre invinciblement. Mais pour qui, tel que les ouvriers, la sociologie est lettre close, le fait le prouve, péremptoirement, en ne permettant jamais rien d'autre que l'éclosion de ce qui satisfait aux conditions de la vie sociale, malgré les insurrections. Le fusil a fait place au bulletin de vote, et les plus frénétiques partisans de la transformation sociale par la violence en sont réduits à discuter et à tâcher de persuader, en attendant que l'ère bienheureuse des convulsions salutaires fasse son entrée dans la politique, par la bataille, la flamme des incendies, et par le jonchement sur le pavé des tués et des blessés. Ceci est le credo d'un certain socialisme, qu'on peut, sans lui faire tort, nommer socialisme sanguinaire. Et, chose étrange, sanguinaire avec une teinte de philanthropie, et de mysticisme. Mais, enfin, au physique, M. Littré n'est pas superbe. N'ayant aucun motif pour faire de la peine aux singes, nous nous abstenons de toute comparaison. Il a la lèvre inférieure et les opinions politiques très avancées. Les sourcils sont larges et épais. Les gens qui ont besoin de bourrelets pour le dessous de leur porte les contemplent avec envie. Il est de petite taille, mais quand il est à côté de Jules Ferry, qui a 5 pieds 6 pouces, il paraît presque aussi grand que lui, tant ce dernier lui fait hausser les épaules. L'écriture de Littré le classe parmi les grands intuitifs, avec Lalande, Ampère, Talleyrand, Gioberti, Cousin, Mazzini, Victor Hugo, Michelet. Cette écriture, calligraphiquement laide, dénote graphologiquement une intelligence richement douée. Le signe graphologique qui frappe à première vue, c'est la multitude de lettres courtes, sèches, dures, se détachant les unes des autres sans aucune liaison. Nous avons donc le penseur, le créateur d'idées, de systèmes, de théories. Par contre, un esprit porté à embrasser l'absolu, à ne pas tenir compte du relatif et du contingent qui composent les choses humaines. Ce grand intuitif est peu logicien. Dans cette forte organisation cérébrale, le côté déductif a pris le moins de développement. C'est par instinct vers l'idéalisation que cet esprit marche dans ses tendances permanentes. Cette écriture, qui a la dureté et la sécheresse que l'habitude du travail penseur donne en général, est un peu adoucie par un assez grand développement de la faculté sensible. Ce n'est certes pas la sensibilité contenue et de second ordre, encore moins de la sensibilité d'abandon. Cependant, la note graphologique dit nettement du cœur, plus probablement que l'opinion générale n'en attribue à ce savant. Ce savant a fait des vers. Que ceci soit bon ou mauvais, le graphologiste n'a pas à s'en occuper. Il ne fait pas dans ses colonnes d'enseignement littéraire. Seulement, il constate que le signe type de l'aptitude poétique est marqué dans cette écriture. La pièce de vers, dont je reproduis seulement les dernières strophes, est une traduction de Schiller et a pour titre « Le partage de la terre ». Si tu t'es endormi dans de riants mensonges, reprit le dieu, ne te plains pas de moi. Au partage du monde égaré dans tes songes, que faisais-tu ? J'étais auprès de toi. De tes cieux, mon oreille écoutait l'harmonie, et mes regards se fixaient sur les tiens. Pardon, si contemplant ta splendeur infinie, je perds ma part dans les terrestres biens. Que faire, dit le dieu. Dans mes mains, rien ne reste. Tout est donné, les champs, les bois, les mers. Veux-tu vivre avec moi dans le séjour céleste ? Quand tu viendras, les cieux te sont ouverts. Pour son initiation à la franc-maçonnerie en 1875, Littré avait été invité à répondre à la question « Quels sont les devoirs de l'homme envers Dieu ?» Messieurs, j'ai à exposer quels sont les devoirs de l'homme envers Dieu. Un sage de l'Antiquité, qu'un roi a interrogé sur la notion de Dieu, lui demanda un délai qu'il prolongea de jour en jour, reculant ainsi une réponse qu'il ne se sentit jamais en mesure de donner. Ma réponse, à moi, ne tardera pas aussi longtemps. Réponse que j'ai tort de dire mienne, car elle est celle d'un philosophe dont je suis disciple et qui a élaboré pour moi, comme pour tous ceux qui voudront en user, le jugement à porter sur les doctrines de cause première et d'origine. Ceux qui connaissent la philosophie positive, ceux qui ont lu quelques pages venues de ma plume savent d'avance ce que je vais dire et n'attendent ni une affirmation ni une négation. Quoi donc ? Diront ceux, en bien plus grand nombre, à qui les principes de cette philosophie sont demeurés inconnus. Est-il possible de n'affirmer ni de nier ? Oui, cela est possible. Et à notre point de vue, cela est sage, cela est salutaire. Permettez-moi donc d'entrer dans le cœur de la question, non sans ménagement, mais sans réticence et avec la plénitude de la liberté philosophique. On a accusé la franc-maçonnerie de je ne sais quelle clandestine et mauvaise conspiration. Je lui en connais une, dont je la loue sans réserve. C'est au milieu des aigreurs ou des violences du fanatisme, la conspiration de la tolérance. Il est clair que la question proposée, remise à la doctrine que je nomme positive, va changer d'aspect. Du moment que l'un des termes est reculé dans les régions inaccessibles de notre intelligence, et que l'autre subsiste, vu que l'homme est un être essentiellement relatif, il reste à déterminer où sont placées les relations souveraines qui décident de la destinée morale. La notion des dieux ou de Dieu nous vient des anciens temps. Ce que les hommes ont pensé là-dessus dans les époques préhistoriques, nous ne le savons. Mais les livres primitifs, ceux qui contiennent ou les plus vieilles annales, ou les plus vieux préceptes, ou les chants les plus vieux, sont consacrés à informer les hommes de la grande et mystérieuse souveraineté qui les gouverne. En se simplifiant et s'épurant de plus en plus, cette notion est arrivée jusqu'à nous, et aujourd'hui, elle s'impose aux intelligences sous deux formes, l'une historique, l'autre philosophique. Sous la forme historique, Dieu a parlé aux hommes, il s'est révélé, c'est un fait. Sous la forme philosophique, le monde est un effet, un ouvrage, il a une cause, un ouvrier. Que faut-il penser du fait historique? La critique qui pèse les documents et qui compare les cas semblables a trouvé, en parcourant les annales de l'humanité, plusieurs révélations et, pour aucune, les témoignages qui le certifient ne lui ont paru, dans leur antique innocence, capables de contrebalancer la doctrine expérimentale de la stabilité des lois naturelles. Une révélation est un miracle. Or, il n'est pas de science qui, dans le domaine qu'elle cultive, reçoive le miracle. Ni l'astronomie dans les cieux, ni la physique sur la terre, ni la chimie dans les combinaisons alimentaires, ni la biologie dans les phénomènes vitaux. Non pas qu'aucune science le nie en principe, mais aucune ne l'a jamais rencontré en fait. De rechef, que faut-il penser, quittant l'ordre historique pour l'ordre philosophique, de la notion de cause première, de causalité première? Aucune science ne nie une cause première, n'ayant jamais rien rencontré qui la lui démentit, mais aucune ne l'affirme, n'ayant jamais rien rencontré qui la lui montra. Toute science est affirmée dans le relatif. Partout, on arrive à des existences et des lois irréductibles dont on ne connaît pas l'essence. On ne nie pas qu'une cause ultérieure ne soit dernière, mais on n'a jamais passé de l'autre côté. L'expérience n'y atteignant pas, chaque science, quelque créance qu'un savant en particulier puisse accorder aux faits historiques ou aux dogmes philosophiques, chaque science, dis-je, se refuse à introduire dans l'acheminement des lois et des théories qui lui sont propres rien qui soit emprunté à la conception d'une causalité première. Cela est toujours laissé à la théologie et à la métaphysique. Connaissance de Littré. C'était une émission de Roger Pilaudin. Ce soir, Littré, Esprit universel, par Jean Paget. Avec Jacqueline Morane, Daniel Vol et Pierre Bertin, Michel Bouquet, Raymond Jérôme, Philippe Laudenbach, Jean-Pierre Lituac, Pascal Mazotti. Chef opérateur du son, Francis Granal. Assistante, Nicole Vuillaume. Réalisation, Georges Gravier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 24 avril 1963. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».